La femme de leurs rêves, par Paul-Émile Christian. Préface. Autant l'annoncé d'entrée, l'écrivain que je suis, avec plus de 30 ans d'exercice au compteur, a eu énormément de plaisir à découvrir ce livre, à apporter quelques corrections surtout d'ordre technique, à le mettre en forme, à en changer le titre, pas assez parlant, et à concevoir la couverture. Je voulais que celle-ci soit très belle et je crois, très modestement, y être parvenu. Pourquoi ? Parce que j'aime être bluffé, ce qui est bien le cas ici. Attention, ma longue amitié avec l'auteur ne rentre absolument pas en ligne de compte. Si je n'aime pas un texte, je me tais pour ne pas blesser inutilement. Ici, c'est tout le contraire qui s'est produit. Dès les toutes premières lignes, je me suis laissé envoûter par cette intrigue multidimensionnelle. Croyez-moi, faire si bien cohabiter trois univers n'est pas donné à tout le monde, surtout quand il s'agit d'un premier roman. Paul-Émile Christian relève le gant avec un brio certain. Il est sensuel sans jamais sombrer dans le graveleux ni le vulgaire. Il vous commet juste un magnifique voyage plein de sensibilité. C'est beau un homme qui nous livre ses fantasmes, ses obsessions, le tout accompagné d'une véritable dimension poétique qui vous charme aux moments les plus inattendus. Ce qui m'a plu dans ce premier volume, c'est que tout sonne vrai, authentique, deux qualités qui manquent tellement à notre époque. La construction n'est pas révolutionnaire, mais ce n'est pas ce qu'on demande. Ce que j'ai aimé, c'est que Paul-Émile Christian pose très intelligemment ses jalons, donnant des repères à son lecteur par la répétition des situations, ce qui est bien agréable, sans oublier une pointe d'astuce très rafraîchissante. La réelle et très belle dimension érotique réduira sans doute le lectorat, et c'est bien dommage, car franchement, c'est comme passer à côté d'un objet précieux sans le voir. Dans notre époque ultra-normée, il n'est guère étonnant qu'aucun éditeur ne se soit proposé de l'éditer, ce qui n'est pas une grosse perte. Outre que les manuscrits envoyés dans les diverses maisons d'édition ne sont pas lus, celles-ci croulant littéralement sous le volume. Où diable classer ce livre ? Trop compliqué ? Là encore, pas grave. Je prédis que ce premier opus trouvera rapidement son public en audio, secteur si décrié il y a peu, et qui prend de plus en plus d'ampleur. Bah oui, les gens n'ont tout simplement plus le temps de lire. Mais s'engager dans l'avenir de l'audio, c'est tenir compagnie à des personnes en situation de handicap, des personnes alitées, beaucoup d'artistes et artisans, le personnel soignant pendant leurs longues heures de veille, des élèves, des étrangers, et la liste est loin d'être close. Avant tout, Paul-Émile Christian, un superbe portrait de femme en creux, que je vous laisse à présent savourer à votre tour. Sophie Malcor, le 4 janvier 2024.